Chapitre 14. Arrivé à Paris, il prit une voiture et se fit conduire au quai Bourbon. Lucie était partie chez sa patronne. Il se fit conduire à la boulangerie de la rue Dauphine. La porteuse de pain alla à sa rencontre et, prise d'un tremblement soudain, balbutia. « Vous, monsieur Lucien, vous venez pour me parler ?»« Oui, j'arrive du quai Bourbon. » Lucie était absente. « Vous aviez quelque chose à lui dire ?» « Oui, et c'est à vous que je le dirai. Mais qu'avez-vous donc? Vous paraissez tout bouleversé. Vous allez le savoir. Montez dans ma voiture. » La voiture roula. Jeanne voulut alors questionner. « Pas ici, dit Lucien. Attendez que nous soyons chez moi. » Enfin, ils se trouvèrent dans le modeste appartement qu'occupait le fils de Jules Labroux. Le jeune homme se laissa tomber sur une chaise et ses sanglots éclatèrent. Jeanne fut effrayée de cette explosion de douleur. « Voilà des larmes, s'écria-t-elle, qui m'en disent plus que de longs discours. Il s'agit de Lucie, n'est-ce pas ?»« Oui, répondit Lucien, du geste plus que des lèvres. Ah, depuis ce matin, depuis la visite de mademoiselle Armand, je pressentais quelque malheur. » Le fils de Jules Labroux regarda Jeanne d'un air effaré. « Ignorez-vous aussi que mademoiselle Armand vous aime ?»« Non, je ne l'ignore pas. Mais quel motif la menait ?»« Elle venait offrir à Lucie une somme de 300 000 francs. » Si elle consentait à s'éloigner de la France. Elle a osé proposer à Lucie un semblable marché? Oui, elle a prié, supplié. Elle s'est mise aux genoux de celle que vous aimez en implorant sa pitié. Lucie s'est révoltée. Alors mademoiselle Armand a quitté Lucie en disant qu'elle se vengerait. Que pensez-vous de cette démarche? Je pense qu'il faut pardonner à ce qu'affole l'amour. Ainsi, vous ne blâmez point mademoiselle Armand? Je la plains de toute mon âme, maman Lison. Est-ce que Lucie n'est pas à plaindre aussi, elle? Si vous l'aviez vue, sanglotant, la tête égarée, vous auriez compris qu'elle souffre autant qu'on peut souffrir. Je la plains de toute mon âme. Ne faites-vous que la plaindre, monsieur Lucien? J'ai peur de vous entendre me dire que vous n'aimez plus Lucie, que... Et si cela arrivait? Interrompit Lucien. Vous en avez donc la pensée? Si je ne devais jamais revoir Lucie? Ah, vous ne parlez pas sérieusement. Ne plus revoir Lucie? Elle en mourrait. Non, non, vous ne ferez pas cela. Si l'honneur me forçait à le faire... S'il existait à cette heure entre nous une barrière infranchissable. C'est impossible cela. Ce qui se pouvait hier, se peut encore aujourd'hui. Tes révélations m'ont indiqué mon devoir. Allez-vous insulter Lucie en la soupçonnant? La soupçonner, que Dieu m'en garde. Enfin, que vous a-t-on dit? Qu'ont inventé Paul Armand et sa fille? Oseriez-vous me répéter leurs mensonges? Ils n'ont point menti. Je vous jure que la barrière est infranchissable. Entre Lucie et moi, il y a du sang. « Du sang, répéta Jeanne Fortier, pétrifiée par la stupeur. « Oui, j'aime Lucie autant que je l'aimais, et plus encore peut-être. En me séparant d'elle, je n'écoute que la voix de l'honneur. Hélas, cette voix me défend d'épouser Lucie. « Mais pourquoi, enfin, pourquoi? Je ne peux épouser la fille de l'assassin de mon père. » Jeanne poussa un cri. Elle appuya ses deux mains sur son cœur, comme pour l'empêcher de se rompre. Elle chancelait. « Que venez-vous de dire? Prétendez-vous que Lucie soit la fille de la femme condamnée jadis pour avoir assassiné votre père ?»« La fille de Jeanne Fortier, oui. »« La fille de Jeanne Fortier, s'écria l'évadé de Clermont. Sa fille, elle, Lucie, sa fille ?» Elle allait dire « ma fille ». La raison lui revint assez vite pour l'empêcher de livrer le mystère de sa vie au fils de Jules Labroux, de l'homme qu'on l'accusait d'avoir assassiné. « Voyons, maman Lison, qu'avez-vous ? » demanda Lucien, stupéfait d'une si violente émotion. « La nouvelle que vous venez de m'apprendre m'a causé une telle surprise qu'il m'a semblé sentir ma tête s'égarer. Lucie, la fille de Jeanne Fortier, est-ce possible ? J'en ai la preuve authentique, indiscutable. La voici. » Lucien tendit à Jeanne le procès-verbal de dépôt de Lucie à l'hospice des enfants trouvés. Jeanne le lui arracha des mains et le lut avidement. « c'est ma fille, se disait-elle tout bas, et je ne puis rien dire, rien faire. » Et Jeanne, que la joie et la douleur suffoquaient, balbutia. « Oui. » Lucie est bien la fille de Jeanne Fortier, la condamnée. Mais doit-elle être châtiée pour une faute qui n'est pas la sienne? Il serait noble et grand de lui tendre la main. Il serait cruel de l'abandonner. Lui tendre la main? Dieu m'est témoin que je le voudrais, mais je ne peux pas. Sa mère a tué mon père. Oui, mais est-ce vrai? Vous-même, je vous ai entendu le dire. Vous croyez la mère innocente? Je l'ai cru, je le crois encore. Mais ma croyance n'est point une preuve. Si je voyais Jeanne Fortier, je lui dirais « démontrez-moi votre innocence ». Et je consacrerai ma vie à obtenir votre réhabilitation. » Au cours du procès, Jeanne Fortier affirmait avoir eu en sa possession une lettre écrite par le contremaître Jacques Garot, éprouvant que lui seul est l'auteur de tous les crimes commis à Alfortville. « C'est cette lettre qu'il faudrait retrouver à tout prix. pour suivre la piste de Jacques Garot, qui sans doute est heureux et riche sous un nom d'emprunt. Une fois que je tiendrai cet homme, je me fais tort de lui arracher la preuve de l'innocence de Jeanne. Mais jusque-là, le doute m'empêchera de donner mon nom à la fille, de la condamner. » Un instant, la pauvre mère eut envie de lui crier « Mais Jeanne Fortier, c'est moi !» La réflexion l'arrêta cette fois encore. À quoi servirait un aveu? Cette preuve dont parlait Lucien, cette lettre, elle la croyait brûlée. Aujourd'hui comme au jour du jugement, tout l'écrasait. Ainsi la pauvre Lucie est condamnée, fit-elle avec des sanglots. La honte de sa mère fera son malheur. Je ne vous adresse aucun reproche. Je comprends que vous ne pouvez unir votre nom sans tache à son nom déshonoré. Le monde me traiterait de fils dénaturé, répliqua Lucien. Comment serait-il votre secret? On le lui révélerait bien vite. Le millionnaire Armand et sa fille, n'est-ce pas? Ils vous ont menacé de cela, peut-être. Le père m'en a menacé, c'est vrai. Il le ferait comme il l'a dit. Mais pourquoi m'avez-vous amené ici? Est-ce pour me charger d'apprendre à Lucie qu'elle ne doit songer à sa mère qu'avec horreur? Et vous croyez que je vais révéler à Lucie quel est le sang qui coule dans ses veines? Vous voulez qu'aux douleurs de l'abandon j'ajoute la flétrissure, la honte? Ne comptez pas sur moi pour cela. Maman Lison, il ne faut pourtant pas laisser à Lucie un espoir qui la ferait plus tard souffrir davantage. La porteuse de pain sentit les sanglots l'étouffer. Elle ne répondit pas un mot et se dirigea vers la porte. « Maman Lison, » répéta le jeune homme en allant à elle. « Adieu, monsieur Labrou, adieu. » Et elle s'élança dehors sans qu'il fût possible à Lucien de la retenir. Pendant longtemps, il resta pensif. Tout à coup, il se leva et se fit conduire chez Paul Armand. Une fois sorti de chez Lucien, Jeanne se mit à marcher dans les rues d'un pas rapide et saccadé, ayant l'air d'une folle, répétant ces mots. « Ma fille, Lucie est ma fille. J'ai retrouvé ma fille. » Peu à peu, le grand air la calma. Elle pressa le pas. Elle avait hâte d'embrasser sa fille. En voyant la clé sur la serrure de la porte de Lucie, la pauvre femme s'arrêta, brisée par une émotion terrible. Sa fille était là. Elle allait la voir, l'embrasser. Mais il faudra demeurer pour elle Maman Lison, la porteuse de pain. Jeanne franchit le seuil. « C'est vous, Maman Lison ?» dit Lucie, en lui souriant. « Oui, c'est moi, mignonne. C'est moi, cher enfant. C'est moi, ma fille chérie. Vous êtes sortie, mignonne ?»« Oui, je suis allée reporter de l'ouvrage. Mais je regrette. » Parce que Lucien est venu pendant mon absence. Vous ne l'avez pas vu, vous, Maman Lison ? Jeanne affermit de son mieux sa voix pour répliquer. Non, je ne l'ai pas vu. La concierge m'a dit qu'il paraissait tout triste. Maman Lison, j'ai peur. Depuis ce matin, depuis cette visite de Mademoiselle Armand, j'ai des pressentiments funestes. Il faut vous distraire. Si vous voulez, je dînerai avec vous. C'est une bonne idée, cela, Maman Lison. Je vais aller aux provisions et préparer tout. Jeanne embrassa de nouveau sa fille et sortit pour aller aux provisions en se disant « Pauvre chère mignonne, quand elle connaîtra la vérité, comme elle va souffrir !» Lucien, arrivé rue Murillo, se fit annoncer. Marie, adossée à la cheminée du petit salon, attendait. Le seul aspect du visage du jeune homme lui fit comprendre que le visiteur se trouvait sous le coup d'une violente émotion. « Mon père n'est point encore arrivé, monsieur Lucien, » fit-elle. « Mais comme vous êtes Paul, souffrez-vous ? » ?»« Oui, mademoiselle, » répondit Lucien d'une voix basse et brisée. « J'ai beaucoup souffert, et je souffre encore. Avez-vous eu avec mon père quelques discussions ? Écoutez-moi, mademoiselle, nous sommes arrivés à un moment décisif. Il faut entre nous une situation nette. » En entendant ce préambule, Marie devint livide. « Le hasard, ou pour mieux dire, et pour dire vrai, le besoin de travail, m'a conduit un jour près de vous. Ce jour-là, vous étiez pour moi bonne, affectueuse, compatissante, et en vous jurant une reconnaissance éternelle, je ne mentais pas. » J'eus l'honneur insigne d'être remarqué par vous et de vous inspirer un sentiment de bienveillance, qu'assurément je ne méritais pas, que je n'espérais pas. « Ah !» s'écria violemment Marie, « je comprends maintenant pourquoi vous me parlez avec cette froideur glaciale et qui m'épouvante. Vous venez me dire que vous ne m'aimiez pas, que vous ne m'aimeriez jamais. Le sentiment que vous éprouviez pour moi, je l'éprouvais pour une autre. J'aimais... Oui, vous aimiez. Et vous aimez encore. » Vous et votre père avez fait tout ce qui dépendait de vous pour anéantir cet amour dont mon cœur était plein. J'ai pris le seul parti qui fut loyal. Je me suis tenu à l'écart le plus possible. Je vous ai fait souffrir, mais il serait injuste de m'en vouloir. J'aimais. Et aujourd'hui, vous venez m'apprendre qu'il n'existe plus pour moi d'espérance, n'est-ce pas? Est-ce ma faute à moi, cependant, si je vous ai aimé? Pouvais-je deviner que vous en aimiez une autre, qu'une autre vous aimait? Aujourd'hui, mon amour fait partie de moi-même. « Si c'est un crime, Lucien, pardonnez-moi. Contre votre amour, je ne tenterai rien désormais. Mais qui connaît les secrets de l'avenir? Laissez-moi espérer, laissez-moi vivre. Je veux vivre. Je vivrai si vous me dites que plus tard, peut-être, vous m'aimerez un peu. Un jour, qui sait, vous n'aimerez plus celle qui prend votre cœur aujourd'hui. Dès aujourd'hui, je ne dois plus, je ne puis plus l'aimer. » Une expression de triomphe rayonna sur les traits de Marie. « Qu'avez-vous dit? Vous ne pouvez plus l'aimer ?»« Non, » répondit Lucien d'une voix sourde. « Est-ce que cette rivale maudite est devenue indigne de vous ?»« C'est cela. Mais qu'est-elle donc ? Qu'a-t-elle donc fait cette misérable fille, pour laquelle j'ai tant souffert, j'ai tant pleuré ?»« Ah, gardez-vous de l'insulter, Lucie est honnête. Et vous prétendez ne plus l'aimer ?» s'écria Marie. « Je dois arracher de mon cœur cet amour. Je n'ai pas le droit d'aimer la fille de l'assassin de mon père. Quoi, Lucie ? Lucie est la fille de Jeanne Fortier, condamnée en cour d'assises pour avoir tué mon père. Est-ce possible ? » fit Marie d'un ton presque farouche. « S'il vous en faut des preuves, mademoiselle, en voilà une. » Et Lucien tendit à Marie le procès-verbal de l'hospice des enfants trouvés. La jeune fille le prit et le lut avidement. « Ah, je suis vengée, » dit-elle au comble de la joie. « Non, vous ne pouvez aimer cette fille. Vous devez la haïr. Ah, je pourrai vivre désormais, car j'ai l'espérance. » Lucien avait repris le fatal papier. « Écoutez-moi encore, mademoiselle, » fit-il. « Non, je ne hais pas Lucie. » Car l'enfant ne peut être rendu responsable des fautes de la mère. Mais l'honneur me commande de l'oublier. La blessure est profonde et saignante, mais il faut autant le soin de la cicatriser. Voici donc ce que je viens vous demander jusqu'à ce que la guérison soit complète. Je veux l'oubli, je l'obtiendrai. Quand l'oubli sera venu, mon cœur sera libre. Sans doute alors la respectueuse affection que vous m'inspirez se changera en un sentiment plus tendre. Mais jusque-là, laissez-moi m'isoler dans ma douleur. Contentez-vous d'une espérance. Me le promettez-vous ? Soit que votre volonté s'accomplisse, murmura Marie. Lucien fut ému de la façon dont elle prononça ces mots. En ce moment entrait Paul Armand. « Vous causiez, mes enfants ?» dit-il en embrassant sa fille. « Oui, père, » répondit-elle. « Et le sujet de l'entretien ?» Lucien intervint. « Celui que vous devinez, monsieur, » dit-il. « Qu'avez-vous résolu tous deux ?»« D'attendre, » balbutia Marie d'une voix étranglée. Le grand industriel ne put réprimer un geste de colère. La jeune fille s'empressa d'ajouter, en contenant ses sanglots. « Père, j'attendrai avec patience. Les raisons de monsieur Lucien prouvent la droiture de son âme. » Marie cacha son visage entre les bras de son père. Paul Armand jeta sur Lucien un regard d'une expression navrante. Ce regard signifiait clairement « Pour attendre, il faut vivre, et vous la tuez. » La jeune fille avait relevé la tête. Elle comprit ce regard. « Ne crains rien, père, dit-elle. Je vivrai, je te le promets. Je vivrai pour vous aimer tous les deux. Monsieur Lucien a raison. Il faut laisser ses blessures se cicatriser. » Ovid de Soliveau, depuis son dernier entretien avec Paul Armand, n'avait point donné à ce dernier signe de vie. Lui aussi songeait à se garer. Certaines paroles prononcées par Mademoiselle Amanda faisaient naître en lui des inquiétudes bien fondées. Amanda en avait trop dit et n'en avait pas dit assez. À cette heure, il se défiait d'elle et voulait savoir jusqu'où allait sa perspicacité. Malgré l'arme qu'Ovid possédait contre elle, la jeune femme pouvait le perdre d'un mot. L'essayeuse paraissait convaincue que son protecteur se nommait véritablement le baron Arnold de Reiss. Mais Soliveau avait cru lire dans les regards de la jolie fille qu'elle cherchait à connaître la demeure de ce baron. Depuis le jour où nous l'avons entendu lui raconter son voyage à Joigny et les résultats de ce voyage, il n'avait pas cessé de la voir, dînant avec elle chaque jour. De son côté, Mademoiselle Amanda ne se méfiait pas moins de son adorateur platonique. Elle voulait savoir qui était cet homme qui la tenait d'une manière absolue dans sa dépendance, grâce à la déclaration écrite et signée de sa main qu'il possédait. Elle patientait, comptant bien un jour ou l'autre trouver quelques preuves, et s'en servir pour dominer à son tour le vrai ou faux Arnold de Reiss, et grâce à cette domination, l'exploiter et s'enrichir.